Chapitre 15e, où le Mektoum n'a rien à faire. Quelques minutes après, Karim et Zahra entrent dans le local. Le premier invite la seconde à s'asseoir sur une chaise et fait de même tout près d'elle, en face, sur une autre chaise. Sur le visage de sa chère aimée, il remarque l'extrême tension des traits, jamais vue auparavant. Cependant, la tragédie a donné à ce même visage une noblesse qui impose le respect et l'admiration. « Alors, dit Karim du ton le plus doux, je t'écoute. » Elle hésite, en maintenant le regard droit sur celui de Karim. « Parle, l'encourage-t-il, librement. Décharge-toi de ce poids. »« Attends, chuchote-t-elle d'une voix tremblante, attends un peu. J'ai besoin de tout mon courage pour parler. » Bien que préoccupée, Karim patiente. Zahra sent en elle une immense peur, lui rappelant le gouffre de Kouvalawa. Et comme devant l'abîme, Zahra a besoin de faire appel à tout ce qu'elle possède d'énergie et d'audace pour affronter le péril. Ses yeux assument un éclat très particulier. Une veine se gonfle dans son cou, la peau du front se tend au maximum. Tout montre une implacable hésitation de Zahra, un combat intérieur pour acquérir la force de parler. Karim le constate, en est effrayé, mais il n'a pas d'autre choix que de patienter en devinant que ce qu'il entendra ne sera pas aisé à encaisser. L'effort extrême manifesté par Zahra pour ouvrir les lèvres a de la même tension que celui de Karim pour se préparer à l'écouter. Finalement, Zahra confesse, d'une voix vibrante mais résolue. « Je dois te dire la dernière de mes... » Elle se tait, cherche le terme convenable, puis déclare. « Je ne trouve pas le mot, » déclare-t-elle extrêmement embarrassée. Karim encourage son ami. « Zahra, je te prie de me parler à cœur ouvert. Désormais, je suis à toi et tu es à moi. Quelles que soient les circonstances, nous les affronterons ensemble. » Les yeux toujours fixés sur celui qu'elle aime de toute son âme, Zahra avoue. « Je suis une moucharde de la police, en particulier pour fournir des informations sur toi. Le travail à l'hôtel est un mensonge, une couverture, rien d'autre. » Karim s'attendait évidemment à toute autre chose, sauf à ce qu'il vient d'entendre. Aussi met-il un certain temps pour encaisser le choc de cette affreuse et totalement surprenante révélation. Ses yeux écarquillés, rivés sur ceux de Zahra, qui soutient courageusement le regard, semblent ne pas avoir compris. « Oui, confirme Zahra, c'est la vérité. Je suis une moucharde de la police, payée pour recueillir et donner des informations, notamment sur toi, tes activités. » Lentement, Karim plaque ses mains sur ses yeux en les fermant, baisse la tête et demeure immobile. Zahra l'observe avec la rigidité d'une morte. Combien de temps passe ainsi, ni Karim ni Zahra ne s'en rendent compte. Puis les mains de Karim s'éloignent lentement de ses yeux. Il les ouvre. Il relève la tête et contemple Zahra avec une commisération infinie. Il reste sans parole. Zahra reprend. « Pour cette horrible chose, te dire Al-Maktoum serait hypocrite, car en réalité, chacun est responsable de ses actes. Te dire la misère est également hypocrite. Tellement de personnes la souffrent sans s'abaisser à l'infâme activité de mouchard de la police. La vérité est celle-ci. J'étais trop faible, trop idiote, trop misérable, succombant à la partie la plus misérable de moi-même. » Elle s'interrompt un moment pour choisir la meilleure manière de s'expliquer. Elle continue. Quand, revenu d'Annaba, j'ai rejoint ma famille à Oran, peu de temps après, deux hommes m'ont abordé dans la rue. Ils m'ont intimé l'ordre de monter dans leur voiture. Effrayé, j'ai reculé. « N'aie pas peur, » m'a rassuré l'un des hommes. « Nous sommes de la police, on veut seulement te parler. » J'ai remarqué que la rue où nous nous trouvions était déserte. Impossible toute tentative de fuite. Je n'avais donc pas le choix. Alors j'ai dû accepter. Ils m'ont emmené dans une maison du centre-ville. Elle avait l'air normale. Puis j'ai compris que c'était un endroit camouflé de la police. Là, un homme en habit civil me révéla tout mon passé à Annaba. Puis il déclara « Si tu ne veux pas qu'il soit communiqué à ta famille, tu dois collaborer avec nous. » L'homme me fit noter. « Tu n'as aucun travail et dans ton cas, il est très difficile, pour ne pas dire impossible, d'en trouver un. » L'homme ajouta « Si cela te plaît, tu peux pratiquer deux métiers. » Collaborer avec nous et te prostituer, là où nous te l'indiquerons. Ainsi, tu t'enrichiras en bénéficiant non seulement de ton salaire de collaboratrice, mais également de l'argent de tes clients. Et comme tu es une beauté, Allah Ibarak, que Dieu y accorde sa bénédiction. Ceux que nous te destinons sont très, très, très riches. Nous avons besoin de les surveiller, et toi, tu seras nos yeux et nos oreilles. Ces clients et leur argent, tu ne les perdras pas car nous avons uniquement besoin de constituer des dossiers sur eux. » On me rappela également que mon père était chômeur depuis longtemps, alcoolique et sans espoir de trouver du travail, et que mon frère Abdelkader consommait et vendait de la drogue. Je me suis alors considéré totalement coincé. Bien entendu, je me suis contenté de mon salaire de moucharde, rien d'autre. Cependant, au début, je donnais des informations absolument insignifiantes. Alors le chef dont je dépendais m'a fourni des directives, conclues par cette menace. « Ne nous prends pas pour des imbéciles. Si tu n'améliores pas ton travail, avec des informations utiles, ta famille connaîtra ton passé. » J'ai commencé alors par donner des informations jugées intéressantes par le chef. Sachant le mal que ces riches causaient à l'Algérie et au peuple, et au mal qu'ils projetaient encore de commettre, je n'avais aucun problème de conscience à les dénoncer. Mais quand le chef me demanda de fournir des informations sur toi et tes amis de notre quartier, donc sur mes propres voisins, j'ai considéré cela injuste, honteux. J'ai essayé de ne pas le faire. Le chef, évidemment, a fini par comprendre. La menace concernant mon passé me fut donc répétée. Dès lors, je me suis résigné à surveiller les habitants de notre tour et des autres immeubles du quartier. Ma mission reçut le nom de code « Grande Terre Toura ». Mon chef m'ordonna de m'intéresser en particulier à toi et à Silafid. Puis je t'ai connu personnellement. J'ai alors déclaré au chef que je voulais abandonner mon travail d'informatrice parce que je voulais... Elle hésite, puis achève d'un seul trait, me marier avec toi. Pour soulager un peu Zara, Karim intervient. Je connais le reste. Ton chef, je suppose que c'est lui, m'a convoqué au commissariat du quartier et m'a raconté ton passé à Naba, en croyant que je l'ignorais. Par chance, tu me l'avais déjà avoué. Karim se tait. Zara reste silencieuse. Les deux baissent les yeux vers le sol un instant, puis ils les relèvent et se regardent fixement, longuement. Zara attend la sentence qui décidera de sa vie. Karim finit par dire, d'une voix tristement nouée, « Il vaut mieux commencer mal sa vie pour la finir avec dignité que le contraire. Comme tant d'autres, tu es victime de ce maudit système social qui nous domine. » Une soudaine rougeur apparaît sur le visage de Karim. « Zara, murmure-t-il, ce que tu viens de me dire me prouve ton amour pour moi. Oui, ton amour. Et moi aussi, en le comprenant, je te prouve mon amour pour toi. » À leur tour, les yeux de Zara s'empourprent. Brusquement, la porte s'ouvre, laissant apparaître deux policiers en uniforme. « Il faut sortir immédiatement !» ordonne l'un d'eux, le visage sévère. Karim se lève d'un bond, très contrarié. « Pourquoi ? On met les scellés. » « Les scellés, pour quel motif ?»« Ordre supérieur, allez, sortez !» Karim et Zara n'ont pas le choix, ils obéissent.